je tombe en amour tous les quatre doigts. Ça dépend des jours, des filles ou des gars. C'est pour la poésie qu'elles ont dans la voix et pour la magie qu'ils ont sous les doigts. Je tombe en amour, oui, n'en vous déplaise, un petit peu tous les jours et j'en suis fort aise. Je tombe en amour et je sais pourquoi. C'est dans ma nature, ne vous effrayez pas. Ça fait des étoiles et des feux de joie. Des fois ça fait mal, ça ne m'arrête pas. Je tombe en amour, oui, n'en vous déplaise, un petit peu tous les jours et j'en suis fort aise. J'en ai trop besoin, c'est mon oxygène, ma façon d'être humain, mon jardin d'Éden. Je tombe en amour et j'ose vous le dire. Pour vous sans détour, ça vous fait rougir. Vous n'avez pas compris, si je vous prends de court, je ne veux qu'un ami quand je tombe en amour. Je tombe en amour, oui, n'en vous déplaise, un petit peu tous les jours et j'en suis fort aise. J'en ai trop besoin, c'est mon oxygène, ma façon d'être humain, mon jardin d'Éden. Je tombe en amour, oui, n'en vous déplaise, un petit peu tous les jours et j'en suis fort aise. J'en ai trop besoin, c'est mon oxygène, ma façon d'être humain, mon jardin d'Éden.